Activité 11, page 12. Écoutez et notez les numéros de téléphone des endroits suivants. 1. Le service Vélocation de Strasbourg. 03 88 52 01 01. 2. L'Université de Provence. 04 42 95 32 18. 3. L'aéroport de Paris-Orly. 01 49 75 15 15. 4. L'Office du tourisme de Lyon. 04 72 77 69 69. 5. La gare routière de Nîmes. 04 66 29 50 62. 6. Ex-taxi. 06 09 53 75 56.